poils de carotte, les poux. Dès que grand frère Félix et poils de carotte arrivent de l'institution Saint-Marc, Madame Lepic leur fait prendre un bain de pieds. Ils en ont besoin depuis 3 mois, car jamais on ne les lave à la pension. D'ailleurs, aucun article de prospectus ne prévoit le cas. « Comme les tiens doivent être noirs, mon pauvre poil de carotte !» dit Madame Lepic. Elle devine juste. Ceux de poil de carotte sont toujours plus noirs que ceux de grand frère Félix. Et pourquoi? Tous deux vivent côte à côte, du même régime, dans le même air. Certes, au bout de 3 mois, grand frère Félix ne peut montrer pied blanc, mais poil de carotte, de son propre aveu, ne reconnaît plus les siens. Honteux, il les plonge dans l'eau avec l'habileté d'un escamoteur. On ne les voit pas sortir des chaussettes et se mêler aux pieds de grand frère Félix, qui occupe déjà tout le fond du baquet. Et bientôt, une couche de crasse s'étend comme un linge sur ces 4 horreurs. Monsieur Lepic se promène, selon sa coutume, d'une fenêtre à l'autre. Il relit les bulletins trimestriels de ses fils, surtout celles écrites par monsieur le proviseur lui-même. Celle de grand frère Félix, étourdi mais intelligent, arrivera. Et celle de poil de carotte, se distingue dès qu'il veut, mais ne veut pas toujours. L'idée que poil de carotte est quelquefois distingué amuse la famille. En ce moment, les bras croisés sur ses genoux, il laisse ses pieds trempés et se gonfler d'aise. Il se sent examiné. On le trouve plutôt enlaidi sur ses cheveux trop longs et d'un rouge sombre. Monsieur Lepic, hostile aux effusions, ne témoigne sa joie de le revoir qu'en le taquinant. À l'aller, il lui détache une chiquenaude sur l'oreille. Au retour, il le pousse du coude et poil de carotte rit de bon cœur. Enfin, monsieur Lepic lui passe la main dans les bourraquins et fait crépiter ses ongles comme s'il voulait tuer des poux. C'est sa plaisanterie favorite. Or, du premier coup, il en tue un. « Ah, bien visé, dit-il, je ne l'ai pas manqué. » Et tandis qu'un peu dégoûté, il s'essuie à la chevelure de poil de carotte, Madame Lepic lève les bras au ciel. « Je m'en doutais, dit-elle accablée. « Mon Dieu, nous sommes propres. Ernestine, cours chercher une cuvette, ma fille. Voilà de la besogne pour toi. » Sœur Ernestine apporte une cuvette, un panier fin, du vinaigre dans une soucoupe et la chasse commence. « Paie-moi d'abord !» crie grand frère Félix. « Je suis sûre qu'il m'en a donné. » Il se racle furieusement la tête avec les doigts et demande un seau d'eau pour tout noyer. « Calme-toi, Félix !» dit sœur Ernestine qui aime à se dévouer. « Je ne te ferai pas de mal. » Elle lui met une serviette autour du cou et montre une adresse, une patience de maman. Elle écarte les cheveux d'une main, tient délicatement le pen de l'autre et elle cherche, sans mou dédaigneuse, sans peur d'attraper les habitants. Quand elle dit « un de plus !» grand frère Félix trépigne dans le baquet et menace du doigt poil de carotte qui, silencieux, attend son tour. « C'est fini pour toi, Félix, » dit sœur Ernestine. « Tu n'en avais que 7 ou 8. Compte-les. On comptera ceux de poil de carotte, mais elle n'a que ramassé au hasard dans une fourmilière. » On entoure poil de carotte. Sœur Ernestine s'applique. Monsieur Lepic, les mains derrière le dos, suit le travail comme un étranger curieux. Madame Lepic pousse des exclamations plaintives. « Oh ! Oh ! » dit-elle. « Il faudrait une pelle et un râteau !» Quand frère Félix, accroupi, remue la cuvette et reçoit les poux. Ils tombent, enveloppés de pellicules. On distingue l'agitation de leurs pattes menues comme des cils coupés. Ils obéissent au roulis de la cuvette et, rapidement, le vinaigre les fait mourir. Madame Lepic. Vraiment, poil de carotte, nous ne te comprenons plus. À ton âge et grand garçon, tu devrais rougir. Je te passe tes pieds que peut-être tu ne vois qu'ici, mais les poux te mangent. Et tu ne réclames ni la surveillance de tes maîtres, ni les soins de ta famille. Explique-nous, je te prie, quel plaisir tu éprouves à te laisser ainsi dévorer tout vif. Il y a du sang dans ta tignasse. Poil de carotte. Mais c'est le peigne qui m'égratigne. Madame Lepic. Ah, c'est le peigne. Voilà comment tu remercies ta sœur. Tu l'entends, Ernestine? Monsieur Délicat se plaint de sa coiffeuse. Je te conseille, ma fille, d'abandonner tout de suite ce martyr volontaire à sa vermine. Sœur Ernestine, j'ai fini pour aujourd'hui, maman. J'ai seulement ôté le plus gros, et je ferai demain une seconde tournée. Mais j'en connais une qui se parfumera d'eau de Cologne. Madame Lepic, quant à toi, Paul de Carotte, emporte ta cuvette et va l'exposer sur le mur du jardin. Il faut que tout le village défile devant. Pour ta confusion. Paul de Carotte prend la cuvette et sort. Et l'ayant déposée au soleil, il monte la garde près d'elle. C'est la vieille Marie-Nanette qui s'approche la première. Chaque fois qu'elle rencontre Paul de Carotte, elle s'arrête, l'observe de ses petits yeux myopes et malins et, mouvant son bonnet noir, semble deviner des choses. « Qu'est-ce que c'est que ça ? » dit-elle. Paul de Carotte ne répond rien. Elle se penche sur la cuvette. « C'est-il des lentilles ? » ?»« Ma foi, je n'y vois plus clair. Mon garçon Pierre devrait bien m'acheter une paire de lunettes. » Du doigt, elle touche, comme afin de goûter. Décidément, elle ne comprend pas. « Et toi, que fais-tu là, boudeur, et les yeux troubles ?» Je parie qu'on t'a grondé et mis en pénitence. Écoute, je ne suis pas ta grand-maman, mais je pense ce que je pense et je te plains, mon pauvre petit, car j'imagine qu'il te rend la vie dure. Poil de Carotte s'assure d'un coup d'œil que sa mère ne peut l'entendre. Il dit la vieille Marie-Nanette. Et après, est-ce que ça vous regarde? Mêlez-vous donc de vos affaires et laissez-moi tranquille.